en terre hostile. Marche ou crève. Inoxydable. Le sable qui t'entraîne. Continue à croire, tu vas t'en sortir. Cette terre inoxydable, ce paysage morbide. Je veux dire qu'il y en a qui aiment tant le chou. Et dire qu'il y en a qui aiment tant le froid. Et toi, tu es là, en train de marcher dans cette terre insensée. Marcher jusqu'à plus soif. Ou trop soif. Miracle, non, pas d'odeur, ne se voit pas parmi la détresse de l'âme. Et tu descends en bas, tout en bas de tes ressources humaines. Jusqu'à ce que tu ne puisses plus. Jusqu'à ce que le corps. Jusqu'à ce que le corps te lâche. Alerte. Bien longtemps. Alerte. Sur le front, mais il n'y a pas de fond, on tombe si bas que l'on s'écrase. La tête, là, dans ce genre de sable, de poudre blanche ou n'importe quoi, mais on tombe si bas que l'on ne se relève pas. Ton corps sèche, ton corps se gèle. Sera-t-il retrouvé ou pas? Sera-t-il mangé ou quoi? Sera-t-il encore vivant? Ça, sûrement pas. Ne te fais pas d'illusions, ne te fais pas d'illusions. Une fois que la fin est arrivée.